mono na ngote yebana zala ka marié faut pas au corps resté na kaja pari Alpha Omega, voilà tout ma tinguela na mer clématina.